Chapitre 1 La tour de Strigon. Une plaine, du soir, du silence, une tour. Au pied, un lac tranquille et des bois alentour. C'est l'heure des langueurs et des monotonies. La nuit masse déjà, plus sombre au bord des cieux, l'accroupissement noir des monts silencieux. Berthe avec blanche fleur rêve, les mains unies. Et Berthe dit: ma mère, on croirait que le soir est triste d'une absence et vide d'un espoir. En vain, mon œil s'attache au pli de la colline. Personne ne viendra, personne n'est venu. Ma jeunesse est stérile et mon cœur méconnu. Je vous aime et pourtant je me sens orpheline. J'espère encore et me sens triste d'espérer. Je voudrais être seul et je voudrais pleurer. Quelque chose en mon cœur se lamente et s'étonne. Qu'ai-je fait de ce jour qui penche à son déclin? J'ai brodé de la toile et j'ai filé du lin. Mon printemps est pensif et là, comme un automne. Pourquoi ne suis-je pas fille de pauvres gens, légère sous le poids des labeurs diligents? L'hiver au coin de l'âtre où pétillent les bûches, et l'été dans la plaine où flambent les midis. Ma beauté serait fraîche et mes gestes hardis. J'aurais vécu des jours sans rêve et sans embûches. Au lieu de cela, je suis seul et j'attends. L'appel du vent s'attriste en mes voiles flottant. L'ombre au pli de ma robe éteint mes splendeurs vaines. Et le monde et l'amour, tout est si loin de nous. Quand je m'accoude au bord des soirs, calmes et doux, le cœur vide et le front couronné de verveine. Voilà trop de longs mois qu'aux pays inconnus, les messagers partis ne sont pas revenus. Faudra-t-il donc vieillir, monotone et jalouse? Faudra-t-il donc ainsi traîner au long des jours l'angoisse et le regret qu'il m'ignore toujours, le fiancé lointain dont ma vie est l'épouse? Jeune encore, je sens en mon âme déjà descendre un peu de la vieillesse qui neigea, mystérieuse et lente, aux cheveux de mon père. Mon cœur va se fermer d'avoir trop attendu. Et Blanchefleur, penchant la tête, a répondu, sans y croire et les yeux pleins de larmes, espère.